Donc, vous pensez sur le match, premier match de la saison? Ouais, ben, je pense pour le premier match USL, la première mi-temps, ça a vraiment bien été. Dans le contenu, j'ai vraiment vu des belles choses. Après ça, on s'effondre un peu, là, le tempo change complètement, puis ça nous lâche des mains. Là. Est-ce que tu vois une grosse différence entre la MLS et la USL? Oui, vraiment, physiquement, techniquement, il y a vraiment, de ce que j'ai joué en Nouvelle-Angleterre l'année passée, là, il y a vraiment une grosse différence. Si on regarde Asun Kamara, qui est quasiment sur chaque action qu'il a créé, causé quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apprendre du jeu de Kamara pour transposer ça dans le reste de la USL cette année? Ben, c'est ça, je pense que chaque joueur, on doit le regarder. Puis, comme tu dis, à chaque fois qu'il y avait le ballon, il créait quelque chose. Donc, c'est cette énergie-là qu'on a besoin, c'est ce dévouement-là qu'il faut amener à chaque match USL là, qu'on joue. Quand tu rentres dans le match, déjà, on voit que tu crées quelque chose, que tu changes. Es-tu content de ton match, toi, personnel? Personnellement, j'aurais pu perdre beaucoup moins de ballons. Là. Pour moi, vraiment, la perte de balle, c'est vraiment important. Je regarde beaucoup mes stats là-dessus, mais... En termes de créer une occasion, je pense que j'ai pas mal fait là, dans les je sais pas 20-25 minutes que j'ai joué. À la fin de la première demi, vous avez eu une chance, une belle passe que malheureusement elle a eu sur la barre, sur le poteau. Est-ce que vous avez joué plus aérien vu que vous avez réussi à cette passe-là ou est-ce que c'était une directive de vous avez réussi quelques jeux aériens plus facilement qu'au sol? Ben, je pense pas que c'est une directive dans nos principes de jeu avec la USL de jouer des ballons longs. Mais on a vu que Toronto était tellement écarté, il y avait beaucoup d'espace, donc la longue balle, c'était vraiment une option vraiment intéressante à faire dans tout le match. Là. C'est vraiment, je pense qu'on créait beaucoup de choses quand on touchait les côtés avec la passe aérienne.